lance un cocktail de mots qui te pète à la gueule. Encore un morceau où je débarque en solo ma gueule. J'âge des rimes pour ceux qui en veulent, laisse les prendre leur envol. La devise à bas, les acteurs imposteurs qui prennent des postures de gangsters sur les posters à bas les flambeurs. Qui roule en roadster et qui laisse pourrir père et mère. Respect aux minorités, qu'on le sens des priorités, qui vivent dans la précarité, mais surtout aux générations sacrifiées pour la famille. Y'a bien des solutions, mais y'a des conditions, car les keufs nous guettent. Putain de système où les porcs nous enchaînent, où les péripéties s'enchaînent. Certaines vies se résument à celles d'une péripatéticienne, bernée par une poignée de politiciens qui parlent de nous, qui décident pour nous, mais nous, on s'en claque de vous. J'ai jamais supporté l'autorité, ça a commencé avec les profs, puis les keufs et les chefs. Les uns voulaient me voir en garde à vue, les autres au garde à vous. Ils m'ont tous dit gare à vous depuis, m'ont déclaré la guerre à vie, sans préavis. Selon leurs préceptes et leurs concepts, constate que ça me consterne, et que je suis pas le seul que ça concerne. Injustice sur injustice, fils, moi je vais cramer les pistes. Sans cesse je pense à la récompense, j'esquive les traîtres et les balances. On se comprend, entre mecs on pas de chance. J'ai mon gun pour ma défense, le savoir pour les offenses. Un attentat de plus à mon palmarès. Dynamite les flics et la politique, même pas pour le fric. Lyrical crime, on trim et on frime pas. Entre frères on s'aime et on serre les coudes. Comme on peut on graille et les jaloux, on s'en bat les couilles. On se tire pas dans les pattes entre cous, on kick le mic entre potes. On boycotte ceux qui chipotent et les salopes qui complotent. Trop de patards portent plainte et pris pour qu'on se plante. Car on a trop d'ambition, dans la vie comme dans le son. On le sait, on le sent, c'est la merde. On est content quand les nôtres s'en sortent et laissent la porte ouverte. Représente Saint-Etienne, quartier des casteurs, Sauce Sky, Gage Y, jusqu'à la porte verte. J'ai jamais supporté l'autorité, ça a commencé avec les profs, puis les keufs et les chefs. Les uns voulaient me voir en garde à vue, les autres au garde à vous. Ils m'ont tous dit gare à vous, depuis ont déclaré la guerre à vie, sans préavis. Selon leurs préceptes et leurs concepts, constate que ça me consterne, et que je suis pas le seul que ça concerne. J'ai jamais supporté l'autorité, ça a commencé avec les profs, puis les keufs et les chefs. Les uns voulaient me voir en garde à vue, les autres au garde à vous. Ils m'ont tous dit gare à vous, depuis m'ont déclaré la guerre à vie. Selon leurs préceptes et leurs concepts, constate que ça me consterne, et que je suis pas le seul que ça concerne.